were welcome. Boys, GB Dixie. Master Prod 2011, on est enfin prêt. C'est le retour des deux guerriers. Je te fais les présentations vite fait. Fonctionne X maîtrise de PC. Informaticien sur bouton. Producteur de go son. Trouve des mélos à chaque journée. Provoque mes liminos à chaque journée. Chaque couplet, notre son est groupé. J'arrive sec dans les pleuras. Je suis pas un chanteur d'opéra. L'opéra c'est pas pour nous. Nous on était de Babtou. À la recherche du gros son, gros. Gros son, grosse impunation. Les critiques mènent à chercher des poules chaque journée. Chaque fois que t'écoutes le son, tu pars en transe. Et oui, faut que tu penses quoi. What's up dans le ghetto. J'arrive aussitôt, coup de couteau. J'arrive dans le mouvement. J'estire tous mes doublements. T'es contracté à l'aise au mic. My name GB Master Play. Alors fais-toi, fais-toi play. Faut que tu bouges ton boule. Faut que tu bouges ton body. Everybody en direct de Paris. Faut que tu bouges ton body. Vas-y bouge mais bouge ton body. Faut que tu bouges ton body. Bouge, fais fuck, tu bouges ton body. Fuck, tu bouges. Fuck, tu bouges ton body. Fuck, tu bouges. Fuck, tu bouges, et représente Paris. Parmi nous, y'a des bons, des bandits. Mais les gars se sont calmés. On rangeait le dope et la lame, le couteau. Maintenant, ça part à impro. Maintenant, c'est le contexte ou le chaos.